Yippee-ki-yay, motherfucker. T'avais non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le numéro 6 du Passeur Transmission, la table ronde cinéphile du Passeur Critique. Ce soir, je suis comme toujours très très bien entouré de mes amis Manuel Haas. Bonsoir Olivier. Et Lucien Flantz. Salut Yoli. Et donc moi-même Olivier Grinard pour vous servir. Ce soir, nous allons parler de Vaiana des studios Disney. On va ensuite parler de Sully de Clint Eastwood. Puis on passera à Mademoiselle de Park Chan-wook. Avant de faire un détour du côté de Paterson, New Jersey et de Jim Jarmusch. Et puis on finira avec le film événement Premier Contact de Denis Villeneuve. En fait, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas enregistré Le Passeur Transmission. Et depuis qu'on a enregistré, oh mon Dieu, il en est sorti des films intéressants. Il y a eu le film de Zemeckis, le film de Ken Loach, le film de Mel Gibson, le film Ma vie de courgette de Claude Barras, il y a eu le film de Asghar Farhadi, de Assayas, d'Oliver Stone, de Bertrand Tavernier, enfin bon, pléthore. Donc j'ai demandé pour l'intro à chacun des passeurs ici de pointer un film qu'il a préféré parmi tout cela et de vous en faire la publicité, mais de manière ultra réduite. Manu, en trois phrases, pourquoi est-ce que je dois aller voir Allié de Zemeckis ? Bon, en trois phrases, ça va être un petit peu compliqué, Olive, mais Allié, c'est le nouveau film de Robert Zemeckis, avec Marion Cotillard et Brad Pitt, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un couple d'espions qui va se rencontrer à Casablanca et qui va finir par se marier à Londres. Et toute la dynamique du récit repose sur l'enjeu que le personnage de Marion Cotillard jouerait agent double auprès de Brad Pitt. Et donc, le film est tenu, et encore une fois, brillamment par Zemeckis, qui tient le point de vue de son personnage tout du long, qui est le personnage de Brad Pitt, et le doute que va avoir Brad Pitt vis-à-vis de sa femme. Et Zemeckis ne cesse de jouer entre la grande histoire et la petite histoire au sein d'Allié, où constamment les grandes étapes de la vie de Brad Pitt ou de Cotillard sont liées à la guerre. Il y a notamment une scène ébouriffante d'accouchement au sein d'un Londres bombardé. Ça regorge d'idées visuelles qui sont toujours... Il tient toujours le point de vue de Brad Pitt et c'est vecteur d'une immense tension dramatique. Et notamment, ce qui est assez étonnant, tu vois dans ce film-là, un truc dont je ne vais pas parler parce que sinon je vais en parler trop. Ok, très bien, merci. Lulu, qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi on doit aller voir ce film ? Ou pourquoi est-ce qu'on doit le rattraper si on ne l'a pas déjà vu ? Ouais, moi je vais vous parler de Ma vie de courgette de Claude Barras, écrit par Siama, je crois, hein, c'est ça. Qui est très brièvement un joli conte féerico-social qui rappelle à ceux qui l'auraient oublié que le cinéma d'animation, quel qu'il soit, n'est pas uniquement destiné aux enfants. Et moi, je vais revenir brièvement sur le film de Ken Loach. Où je suis allé, comme pas mal de gens, je crois, un peu avec des pieds de plomb, et j'aurais pas dû, en fait. Voilà, je trouve que le film a tout plein de problèmes, mais que malgré tout, je ne sais pas comment Ken Loach s'en sort, mais il est quand même émouvant, bêtement, par la beauté, la pureté des sentiments entre les deux personnages principaux. Finalement, gagne sur tout ce qu'on peut attaquer sur le film, c'est-à-dire un côté manichéen, un côté pas toujours très bien écrit. Mais voilà, c'est un film qui est politique, c'est sûr, mais c'est un film que je pense est nécessaire, qui vieillira sans doute pas très bien, mais si vous voulez être ému et emmené par deux personnages, voilà, vous pouvez toujours aller voir le Ken Loach et vous faire votre idée. Très bien, on va commencer tout de suite avec Vaiana, le nouveau film des studios Disney. For generations, this peaceful island has been home to our family. But beyond our reef, a great danger is coming. Legend tells of a hero who will journey to find the demigod Maui. And together, they will save us all. Donc Vaiana, c'est le nouveau film de Ron Clements et John Musker, à qui l'on doit déjà La Petite Sirène, Aladdin, Basile Détective Privé. Donc c'est l'histoire d'une princesse polynésienne, et alors que le... on va dire le néant, hein, comme dans l'Histoire sans fin, envahit le monde et progressivement la nature, et que les récoltes se font rares, que le poisson se fait rare aussi, va devoir rétablir la balance en essayant de remettre le cœur qui a été, donc une espèce de bijou, hein, une pierre précieuse, qui a été enlevé, subtilisé à une déesse de nombreuses années avant ça, par un demi-dieu qui s'appelle Maui. Donc elle va devoir s'associer à ce demi-dieu qui s'appelle Maui pour rétablir la balance et en gros que la nature reprenne ses droits. Lucien, qu'as-tu pensé de ce film ? Bah, je sais pas, Aïe Vaiana, je trouve pas horrible à suivre. Je trouve que c'est probablement une des meilleures choses en animation qui fait Disney sans Pixar depuis longtemps. Mais la musique, quoi. Je suis désolé, je pense qu'on va beaucoup parler de ça, mais c'est juste pas possible. Il y a une chanson toutes les 3 minutes et c'est juste de la pop américaine dégueulasse qui me fait sortir du film à chaque fois et qui me gâche absolument tout. Ceci dit, à l'image d'ailleurs de ce coq insupportable qui dramatiquement ne sert absolument à rien sinon à faire une blague nulle toutes les 2 minutes. Mais je trouve par exemple que le méchant est un bon méchant par rapport au dernier méchant Disney qu'on ait pu voir, qui visuellement a de la gueule. Voilà. Il n'y a pas vraiment un personnage de méchant comme le Scar du Roi Lion. C'est plutôt une espèce de dieu qu'on voit à la fin, qui fait quand même assez fort penser à la scène de Allez, aidez-moi la belle au bois dormant. Ouais, il est peut-être moins incarné que les autres méchants Disney, mais il y a une vraie dimension graphique extrêmement forte. Ça évoque Gustave Doré ou même ce qu'avaient fait les frères Brizzi sur le Fantasia 2000, l'oiseau de feu, qu'on peut aussi retrouver chez Miyazaki. Il y a toute une dimension poétique liée à la nature qui est, je trouve, assez bien amenée, visuellement, qui fonctionne bien. Et étonnamment, je trouve, après avoir flingué le film de pirate avec les grimaces simiesques là de Johnny Depp, là, il y a vraiment un retour à cette pureté du film d'aventure maritime, que ce soit L'Aigle des Mers, Capitaine Blood avec Errol Flynn, cette notion vraiment d'aventure. Je trouve que visuellement, le film est super beau. Il y a à la fois, ils sont arrivés à un photoréalisme assez poussé au niveau de tout ce qui est décor, mais la façon de le travailler, de travailler les couleurs, tu as l'impression de voir une sorte de technicolor resplendissant où les couleurs sont extrêmement saturées, le bleu de la mer d'une intensité exceptionnelle. Après, moi, je serais moins sévère que toi, même sur les chansons. D'autant plus que je trouve que c'est souvent assez bien chorégraphié dans le film. Il y a une vraie dynamique dans les chansons. Après, ça reste une convention de Disney, c'est une convention des comédies musicales. Donc, et peut-être à l'écoute à côté, ça a peut-être moins fonctionné, mais je trouve dans le film, moi, je sors plutôt du métrage en la fredonnant. J'ai pas l'impression d'entendre une scie à chaque morceau. Non, la musique n'est pas un coup de scie, plutôt l'inverse, quoi. Moi, c'est ce que je trouve dérangeant, c'est plutôt l'impression qu'on te verse du sirop, même le tympan, quoi. Quand tu parles de convention Disney, ouais, c'est absolument ça. Il y a une phrase de dialogue que je peux plus citer, mais où ils en rient. C'est Maui qui fait une blague sur le fait de chanter tout le temps. C'est un clin d'œil, c'est bon, c'est qu'ils en sont conscients et qu'ils se sentent un peu obligés, mais je serais quand même curieux, on parlait de Basile, voilà un Disney que moi j'aimais bien, dans lequel il y a, si mes souvenirs sont bons, une seule chanson sur 1h20 de film. Ça fait du bien aussi parfois. Ouais, je vais plutôt vous rejoindre. En fait, je trouve que aussi, ouais, voilà, visuellement, le film claque, hein, c'est super beau, vraiment ça fait plaisir à voir. Il y a la scène aussi... de nuit sur le radeau avec le fantôme de la grand-mère qui revient et tout, c'est vraiment magnifique, quoi. Après, agréable à suivre, non, je ne trouve pas trop, parce qu'en fait, après une exposition qui, selon moi, est assez virtuose, et comme vous dites, le dénouement, les 15 dernières minutes qui sont vraiment, vraiment belles avec ce grand méchant, je trouve que dans ces péripéties, il y a un gros ventre mou, quoi. Moi, je me suis bien, bien ennuyé au cœur du film. Avec cette espèce d'escargot géant là, cette scène là par exemple, j'ai pas du tout aimé, j'étais pas du tout dans le film. Comme vous disiez, le sidekick qui est ce poulet là qui ne sert complètement à rien, qui est vraiment énervant. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir, c'est que voilà une héroïne Disney pas commune, quoi. Elle a aucun love interest, cette fille. Et on ne fait jamais un cas de sa féminité. D'ailleurs, elle va devenir fille de chef, c'est elle qui va devenir chef, et ça ne pose jamais aucun problème. Il n'y a pas un espèce de truc où le père dit « Oh, j'aurais préféré avoir un fils, machin ». En fait, le fait que ce soit une fille, ça ne change rien à l'histoire. Et c'est plutôt une sacrée révolution, moi, je trouve. Après, c'est quand même intéressant, c'est vrai, venant d'un studio qui est historiquement, justement, plutôt assez réac, qui a visiblement été repris par des gens qui vont dans le sens absolument opposé, quoi. effectivement, elle détonne avec les canons des héroïnes Disney habituelles, mais je trouve le personnage de Maui plus intéressant que la princesse. Je trouve son arc narratif, ses fêlures, plus intéressante. En effet, les conflits internes de Maui sont plus intéressants, mais je trouve qu'à l'écran, vraiment, au résultat, moi, je suis beaucoup plus la fille et Maui m'énerve un peu, on va dire. Et je trouve, au niveau du character design, je trouve que ce n'est pas une super réussite. Juste pour revenir sur ce que vous disiez, elle est singulière par son... par sa féminité, mais ses envies, son aventure, elle est assez classique. Mais ce que la vraie, entre guillemets, progression, c'est pas justement de ne pas en faire un Mais moi, je suis d'accord avec ça. Ouais, on n'en fait pas une affaire. C'est, et ça. C'est ça, vraiment, c'est la vraie force du film, ouais. Révolution, quoi. Enfin, révolution. Ouais. La vraie évolution, plutôt. Voilà. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le film de Clint Eastwood, Sully. Texas 1549, runway 4, clear for takeoff. Sully. Sully, where are you? Ok, donc Sully, c'est le nouveau Clint Eastwood, un film qui est inspiré du sauvetage d'un Airbus sur l'Hudson en 2009, un accident aérien qui a coûté la vie de aucun passager sur 155, n'est-ce pas? Une opération de sauvetage parfaitement réussie. Mais ce qui va plutôt intéresser Clint Eastwood dans ce film, c'est le fait qu'on va attaquer donc le commandant Sully, qui est incarné par Tom Hanks, et son copilote, incarné par Aaron Eckhart. On va les attaquer sur le fait qu'ils auraient pu faire autrement que d'atterrir sur l'Hudson et qu'ils auraient pu regagner... un aéroport proche pour sauver la carlingue de l'avion. Je vais commencer sur Sully. Je me suis poliment ennuyé devant le film de Clint Eastwood. J'ai trouvé que l'enjeu était vraiment faible. Le film est construit d'une manière alambiquée et pour moi, je ne voyais qu'une espèce de cache-misère au fait que finalement, le propos de l'histoire n'est fondamentalement pas très intéressant. Enfin, j'étais étonné, en fait, après American Sniper, qui pour moi me semblait un film vraiment complexe, vraiment plein, riche, très bien écrit. Je trouve qu'après ce film-là, c'est étrange de voir un film aussi simple que Sully de la part de Eastwood. Après, voilà, il y a des choses qui sont très très belles et très très réussies dans la mise en scène. Et ce qui m'a le plus touché, en fait, c'est justement le fait que ce soit une opération qui est super bien fonctionné. On te montre que toutes les équipes étaient super bien coordonnées, tout le monde a fait super bien son boulot, et c'est ça qui m'a, au final, le plus plu, c'est vraiment le sauvetage et comment les bateaux, les flics, les équipes de sauvetage, etc., se mettent tous sur la balle en 30 secondes et qu'on célèbre une réussite qui est née d'un problème, quoi. Mais à part ça, franchement, j'ai pas été du tout emballé. Ouais, non, mais je pense que c'est un film humaniste. C'est un film aussi qui a l'intelligence de ne pas tellement s'intéresser, même si c'est pas tout à fait le cas, mais de pas tellement s'intéresser au côté spectaculaire d'un éventuel crash, mais plutôt justement au côté tout ce qui a trait à l'humain. C'est un film aussi sur l'aseptisation d'un système. Je trouve même que ça se ressent visuellement. Tout est blanc, tout est gris, tout est neutre. Je trouve Tom Hanks, moi, je l'avais jamais vu aussi James Stewartien. Le film a un côté un peu doudou, comme l'ont souvent pour moi les films d'Eastwood, qui sont généralement des films simples, mais des films touchants. Et comme peuvent l'être les films de Capra, puisqu'on parle de James Stewart. Moi, je suis moyennement d'accord avec ce que tu dis, Olive, parce que tu parles de petits films. Il n'est pas si petit que ça, il est en apparence, parce que la durée est inhabituellement courte pour un Clint Eastwood. Il doit jouer en 1h30, alors que notamment American Sniper excédait facilement les 2 heures. Mais je trouve, moi, la force justement du film, c'est de déjouer tout l'aspect spectaculaire pour justement questionner, encore une fois, comme dans American Sniper, mais qui est, à mon avis, un peu le film miroir de celui qu'on pouvait l'être Mémoire de nos pères et L'aide des Ojima, c'est cette question d'héroïsme. Et je trouve notamment aujourd'hui, on est bassiné à tour de bras à coups de franchise à base d'héros, de super-héros, où la notion héroïque est complètement vidée de son sens. Et là, pour le coup, ça donne un aspect déceptif parce que, comme le personnage de Sully qui refuse cette notion d'héroïsme que lui collent les médias dessus, ça crée un film où effectivement une figure héroïque n'émerge jamais. Ça se rapproche de ce qu'a fait Gibson avec Tu ne tueras point, où vraiment on se pose les questions d'humanité qui en découlent. Et on n'est pas dans une sorte de posture factice, vide de sens du héros, limite fascisante, où il suffit d'enfiler un spandex, de sortir deux, trois répliques qui clashent. Là, on se pose vraiment des questions, qu'est-ce qu'est l'héroïsme ? Et je trouve ça extrêmement réussi. Tu parles de la scène du sauvetage, je trouve qu'elle est brillante. Ça doit durer peut-être un quart d'heure, 20 minutes, mais je veux dire, je n'ai jamais vu aussi bien détaillé, tu as quasiment un aspect documentaire du sauvetage du crash, et justement de mettre en valeur l'action conjuguée de tous ces gens-là. Je n'avais pas vu des seconds rôles aussi bien croqués depuis un bon bout de temps dans une production de cette envergure. Donc voilà, je trouve que le film a cet aspect effectivement un peu déceptif, et je pense que c'est aussi son propos. Et notamment cette notion, parce que l'enjeu du film, c'est que ce livre va passer devant une commission où on va rejouer ce qu'il a fait avec des simulations. Et toute la thématique est entre guillemets entre l'humain et la machine, et de ramener cette notion où on croit à un moment dans notre société pouvoir tout détecter, tout ramener à des notions statistiques vis-à-vis de l'humain. Et on se plante. Et je trouve que le film-là est assez extrêmement contemporain à ce niveau-là aussi, quoi. Mais je suis d'accord avec ça. Hein. Enfin, je veux dire, sur la question de l'héroïsme, la question de souligner le travail bien fait et de faire une espèce de film avec un héros, on va dire, qui est juste un vrai professionnel et qui a vraiment envie de bien faire son travail et qu'il prend à cœur, etc. Sur ce côté-là, et je l'ai dit, la scène du sauvetage, je l'ai soulevé aussi, sur ce côté-là, le film est réussi, il est touchant et il va au but. Mais ça n'empêche pas le fait que moi, devant ce film, quelque part, je m'ennuie parce que je le trouve un peu lent et un peu vide. Enfin, pas lent, mais plutôt vide. Vide, c'est voulu. Même visuellement, aussi, le film est vide. Je trouve que ils font monter un truc avec la relation qu'entretient Sully avec sa femme, et je trouve que ça ne nourrit pas le propos, que ça ne nourrit pas le film. Moi, je trouve aussi que c'est d'autant que ce propos est d'autant plus touchant venant d'Eastwood, qui en a incarné un sacré tas des héros surhumains, enfin des sur-héros. De faire un film sur un pas un anti-héros, mais un héros badaud. C'était la même chose qu'il y avait dans American Sniper, parce que le personnage était plus conflictuel, mais c'était aussi un personnage qui refusait cette notion d'héroïsme qu'on lui collait à la peau. Mémoire de nos pères aussi. Hein. Et alors, concernant, je reviens sur ce que tu parlais du crash. Tu disais, je ne sais plus comment tu formulais ça, mais tu disais un film surdécoupé, mais... Une construction alambiquée qui fait cache-misère d'un manque de scénario. C'est exactement ce que je... Wow. Faut savoir que le mec est une machine. Non, mais cette construction alambiquée, elle permet, par exemple, il y a des moments où on est avec Sully pendant le crash, où on se demande même, alors qu'on sait qu'il va y arriver... Pendant le crash, il y a des moments où on se demande s'il va y arriver. Ça, enfin, moi, en tout cas, j'ai ressenti ça. Et je pense que c'est... Enfin, je suis sûr que c'est directement lié à cette construction alambiquée, comme tu dis, qu'elle n'est pas tout à fait gratuite. Manu fait la gueule parce non, que j'ai attaqué Clint Eastwood. Non, mais je ne trouve pas qu'elle est en plus si alambiquée, parce que je trouve pour un film qui se joue constamment en flashback et retour au temps présent, c'est extrêmement fluide. Au niveau de l'écriture, je ne trouve pas ça aussi simple que ça. Moi, je ne trouve pas que ça soit le propos d'une structure alambiquée est vraiment son intérêt, d'autant plus qu'il joue quand même sur le traumatisme de ce personnage-là et le traumatisme aussi qui est rejoué derrière d'un avion au sein de New York. Parce que plusieurs fois, est rejoué la scène du 11 septembre dessus. Il y a quand même ça qui est joué aussi. C'est aussi un moment où on va se réunir par une action collective et pas par l'émergence... d'un seul homme. Et notamment, ça permet aussi de multiplier le nombre de fois où le crash est montré pour le vider complètement de sa substance spectaculaire. À force de le découper selon sa structure, au final, il perd complètement la notion d'impact où on ne fait pas monter une tension. Il n'y a pas la virtuosité ou la tension qu'il y a dans une scène, par exemple, ou dans un film a priori qu'on aurait pu penser similaire, qui était le Flight de Zemeckis, mais qui a totalement différent dans le propos. Oui, mais moi, alors, alambiqué, pas spécialement péjoratif, enfin, dans ce cas ici, parce que c'est vrai que concrètement, le film aurait pu durer 10 minutes. C'est le fait qu'on revoit, si tu vires tous les flashbacks, tous les différents angles par lesquels sont sont entrepris d'histoire, tu peux raccourcir le film de moitié. Mais cette longue scène de fin où on revoit, je crois qu'on voit 4 simulations différentes. Elle est formidable. Elle est formidable. Mais moi, c'était l'encéphalogramme plat, quoi. J'avais vraiment aucune émotion. Je m'ennuyais parce que je savais très bien où est-ce que finalement ça allait aller. Et voilà, j'ai trouvé ça une espèce de démonstration froide et pas très intéressante, quoi. Je propose qu'on conclue là-dessus. Sur ce lien, on a déjà bien parlé. Peut-être un premier cas de désaccord au sein du passeur transmission. Peut-être pour préciser, ce qui est dommage, c'est que le film a été tourné pour la première fois entièrement en IMAX par Clint Eastwood. Et t'as toujours la problématique, que ce soit en France ou en Belgique, du manque de salles IMAX pour diffuser ce genre de film, parce que toutes ces vues de New York, tout l'aspect documentaire du film autour du crash doit être beaucoup plus percutant dans une expérience IMAX. Donc je propose qu'on passe maintenant tout de suite au gros morceau de la soirée. On va parler de Mademoiselle, le film de Park Chan-wook. Mademoiselle, c'est le nouveau film de Park Chan-wook, et arrive maintenant le moment tant attendu de cette émission où je vais devoir résumer le film. Une chose absolument impossible, ou en tout cas très très compliquée. On va dire que c'est l'histoire d'une jeune fille coréenne sans le sou qui se fait engager pour être la servante d'une riche héritière japonaise. Ça se passe en Corée sous occupation japonaise dans les années 30. Et en fait, cette jeune fille qui est engagée en tant que servante n'est en fait qu'une manipulatrice, à la solde d'un manipulateur pour essayer d'arnaquer justement cette riche héritière. Et je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Résumé de 3 minutes, c'est pas mal. La jeune fille coréenne est interprétée par Kim Tae-ri et sa maîtresse japonaise par Kim Min-hee. Je signale que c'est une adaptation du livre du bout des doigts de Sarah Waters qui se passait dans l'Angleterre victorienne, mais donc que ça a été adapté à la Corée et que Lucien Alflans a écrit un article pour le Passeur Critique sur le film Mademoiselle de Park Chan-wook. Manu, lance-toi. Moi, c'est plutôt une agréable surprise parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai perdu de vue le père Park Chan-wook. Tout simplement parce que depuis, je trouve, Old Boy et sa consécration à Cannes, ses films n'ont cessé de me décevoir jusqu'à cette découverte. Et en plus, je pense qu'il renoue non seulement avec Mademoiselle, avec la période de Sympathy for Mr. Vengeance et d'Old Boy, mais qu'il dépasse complètement ces films-là. À mon sens, Mademoiselle est sûrement son plus grand film à ce jour. Et je trouve justement tout ce qui a toujours été le cas dans le cinéma de Park Chan-wook, cette à la fois hyper-stylisation, ce cinéma très cadré, avec toujours une certaine mise à distance, un jeu avec le spectateur, mais qui était aussi habité par de vrais drames, de vrais mélodrames, que ça soit dans Sympathy for Mr. Vengeance et dans All Boy, avait complètement disparu de ces films suivants où on est dans une extrême maîtrise, mais au service d'une sorte de manipulation du spectateur, où on s'amusait autour de la forme avec des personnages extrêmement vides, extrêmement creux. Et justement, cette question de la manipulation est au cœur du récit de Mademoiselle et du jeu ludique qui s'instaure avec le spectateur dans cette façon de revisiter le récit sous différents axes, parce que Park Chan-wook va s'amuser à nous perdre en nous faisant croire au pire, à notre position de voyeur, à jouer sur la manipulation mise en place pour douter de la nature des sentiments entre les deux personnages. Et au final, on va se retrouver floué, mais contrairement aux autres films où on était floué juste par l'intrigue, là, on est floué par la nature par la nature des personnages, quoi. Manu, oui, moi, je pense que tu as dit énormément de choses très intéressantes et très justes sur le film. Voilà, moi, j'ai pris un pied total devant ce film. Vraiment, c'est une super grosse part de gâteau et ça fait vraiment plaisir de se laisser mener par le bout du nez comme ça pendant 2h30. En plus, bon, voilà, la mise en scène est super sophistiquée. Je veux dire, au niveau pictural, c'est super sophistiqué. Le découpage de ce film, le montage, tout est hyper précis, tout est hyper beau. La lumière, les actrices sont absolument magnifiques. Il y a des scènes érotiques qui ont fait beaucoup jaser dans le off de transmission. Et Et oui, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, moi, Park Chan-wook, en effet, j'étais très, très, très client au début de sa filmographie. Et puis, je trouvais qu'après, il avait délaissé les histoires et les personnages pour faire plus de virtuosité. Et on arrivait à des espèces de films qui étaient juste des enfilades de plans plus invraisemblables les uns que les autres, où le montage aussi était délibérément... délibérément complexe. Enfin, j'ai un très mauvais souvenir de Lady Vengeance, par exemple. Mais voilà, là maintenant, tout le monde dit oui. Voilà, il en fait des caisses et le film. Enfin, pas tout le monde, mais j'entends dire, il en fait des caisses. Le film est, on étouffe devant ce film, etc. Moi, je trouve qu'au contraire, il met la pédale douce, même au niveau de, on va dire, juste des mouvements d'appareil. Il s'est un peu assagi. Et là, il met vraiment en avant. Ses personnages, son histoire et ses personnages qui finissent vraiment, vraiment par nous toucher. Enfin, j'ai vraiment été connecté émotionnellement et ça m'était pas arrivé depuis All Boy avec les films de Park Chan-wook. Et voilà, c'est un régal ce film. C'est vraiment un régal. Dans All Boy, j'avais le même plaisir de spectateur. Je trouve quand même plus bordélique, un peu plus frénétique même et parfois. Moins lisible, même malgré la complexité de celui-ci, je le trouve. All Boy était vachement plus démonstratif pour le coup. C'est ça. Ici, tu dis qu'il s'est assagi, il y a toujours. Au niveau visuel. Hein, ouais, oui, on est d'accord, mais il y a toujours tout ce qu'on aime, plein de mouvements de caméra, etc. Qui sont ici absolument. En tout cas, dans la première partie, je trouve que tu as des travelling quasi permanents qui sont toujours avec un temps d'avance sur les jeux de regard entre les personnages, etc. C'est brillant. Ce côté sentiment, la manière dont elle se regarde, le sentiment d'être observée aussi par rapport. Enfin, c'est assez. Et tout ça passe par des mouvements de caméra assez discrets, mais fascinants. Tout ça peut être une. Mais visiblement, c'est une obsession pour le cinéma cette année, mais c'est aussi un film. Film féministe. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, un film. Qui met les femmes en avant. Qui met les femmes en avant, qui décide, juste parce qu'elles le décident, de fuir une sorte de d'enfermement sociétal. D'ailleurs, il y a aussi tout un discours sur, je pense qu'on connaît généralement assez mal en Europe, sur l'occupation japonaise en Corée, sur à qui ça a pu profiter, à quel... Là, en l'occurrence, ce que raconte le film, c'est plutôt aux hommes riches. Je trouve que le film est extrêmement, furieusement sexy, sensuel, sexuel, mais en même temps, il reste assez. Enfin, il y a un truc que j'aime, mais qu'il y avait déjà dans All Boy. Park Chan-wook va être assez, grivois dans des scènes basiques. Enfin, je veux dire, dire la scène du bain ? Non, mais dans des simples conversations, des dialogues qui peuvent être assez grivois, ironiques, tout ce qu'on veut. Et il y a une certaine. Dans les scènes de sexe qui sont beaucoup plus. Qu'il arrive à rendre à la fois extrêmement émoustillantes, mais aussi poétiques. Enfin, il y a quelque chose, c'est pas il sait où placer son enjeu. Dans ce genre de scène. Mais surtout, elles servent son récit, elles servent ses personnages, ses scènes. C'est surtout ça, c'est que la relation entre les deux personnages qu'on voit faire l'amour sert énormément le récit parce que, il y a une vraie. Même on y revient plusieurs fois à cette scène d'ailleurs dans le film, vu comment le film est découpé. C'est très très comme dur de parler du film sans spoiler, c'est très difficile. Mais, plus humide que ce lit. Bon, on va se calmer les gars tout de suite. Mais en fait, les scènes érotiques vont vraiment servir les personnages et servir le récit. Enfin, sans ces scènes érotiques, l'implication émotionnelle vis-à-vis des personnages et vis-à-vis de leur destin, de la fin du film, n'est pas la même, quoi. Parce qu'il n'est que question que de ça. Comment elles ont révélé leurs sentiments dans ces scènes-là ? C'est un film furieusement érotique. Ça faisait longtemps, c'est même assez rare en salle de voir des films qui vont aussi loin dans cette dimension érotique, qu'il a réussi, je trouve, aussi bien, parce qu'il va franco sur les scènes, même si c'est pas un gros bourrin comme Kechiche, hein, je veux dire, pour le coup, il travaille vraiment la dimension sensuelle du truc, tout en avalant très peu, mais ça reste diablement excitant, et c'est quand même important quand on va au cinéma, quoi. Ok, donc on vous encourage très vivement à aller voir Mademoiselle, le superbe film de Park Chan-wook. Et tout de suite, on va parler de Patterson de Jim Jarmusch. Do you think there are any other anarchists in Patterson? You mean besides us? Not likely. Without love, what reason is there for anything? Well, he's not going to do anything crazy. Everything he does is crazy. Nobody move! Abashta by imparison. Uh-huh. Uh-huh, what? This very poetic. I'm getting my ass kicked today. What are you playing? Myself. Donc Patterson, c'est le nouveau film de l'américain Jim Jarmusch avec Adam Driver et Golshifteh Farahani. Voilà, Patterson, ça se passe à Patterson, New Jersey. C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Patterson et qui conduit un bus. C'est un film qui se passe sur une semaine avec répétition du jour et de comment est-ce qu'il va occuper sa semaine, ce jeune homme interprété par Adam Driver et qui surtout est poète à ses heures. Voilà. Lucien, tu te lances sur Patterson ? Ouais, moi je suis un immense fan de Jarmusch, moins de celui-là, même si, contrairement à Manu, je lui trouve des, enfin, je lui trouve des qualités. Bon, ça fait longtemps qu'on sent Jarmusch intéressé par la boucle. Enfin, il a un groupe qui s'appelle Skirl, que moi j'aime beaucoup, un groupe de post-rock ambient, comme ça, qui fonctionne très fort sur les boucles. Je suis quasi certain qu'il a construit ce film comme il construit une de ses chansons avec son groupe, c'est-à-dire une sorte de boucle répétitive avec quatre notes. Je trouve l'investissement de la ville assez fascinant. Je trouve, enfin, c'est une ville que moi je connais fatalement très peu. Voilà, c'est un film qui fonctionne, comme je le disais, en boucle sur le quotidien d'un prétendant poète, chauffeur de bus, qui montre aussi la naissance de la poésie. Je trouve qu'il y a des très belles scènes là-dessus. Je pense entre autres à quand il est dans son bus le matin, ou bien où il y a un mec qui rappe un peu tout seul en impro. Je trouve que c'est vraiment une très belle scène avec un échange. Chaque fois, je trouve qu'il y a une sorte d'humour en filigrane comme ça derrière. Je pense entre autres à c'est quand il est dans un bar et qu'il y a un gars qui s'est fait plaquer par sa gonzesse, qui en fait des caisses. Et donc on lui dit en gros arrête ton cinéma, quoi. Et qui répond simplement très placidement bah, ouais, je suis acteur. Je pense que c'est un peu aussi le but de ce film. Enfin, la manière dont il a été construit, c'est aussi pour pouvoir capter ces petits moments qui peuvent se voir comme étant des bribes, des naissances, des pousses de poésie. Je pense que le film est construit autour de ça. Je trouve le personnage et l'acteur Adam Driver passionnant. Moi, à chaque fois que je le vois, je le trouve formidable. Surtout dans Star Wars, c'est ça ? Presque à chaque fois, je le trouve formidable. Ici, je trouve que l'ennui, c'est sa compagne qui est un peu trop stéréotypée. C'est pas un problème d'actrice, c'est quand même l'écriture du personnage par Jarmusch, hein, qui frise la misogynie par moment. Je sais pas si c'est de la misogynie, mais en tout cas, le personnage n'existe pas, quoi. Je pense à la limite, le gars aurait été célibataire, ça aurait été tout aussi bien. Pour moi, non, parce que la Golshifteh Farahani, déjà, elle est magnifique à regarder. Voilà. Et ensuite. Elle fonctionne en miroir d'Adam Driver dans le film, c'est-à-dire que le personnage est fantasque, le personnage change tout le temps de centre d'intérêt, le personnage est très extraverti par rapport à Adam Driver qui, lui, justement, a une vie hyper réglée, hyper plan-plan, hyper structurée. Et voilà, c'est souvent ça dans une histoire d'amour. Enfin, dans une histoire d'amour, il y a souvent celui qui est garant du sérieux et celui qui est garant plutôt du sel, du truc. Oui, mais là, chaque intervention de la femme, on est du point de vue de Patterson et qui a l'air extrêmement gêné ou emmerdé. Dans aucune des scènes, on voit l'attachement entre d'Adam Driver vis-à-vis d'elle. Il la met en position de la petite cruche écervelée, quoi. Oui, en effet, le personnage d'Adam Driver, il est en décalage par rapport à sa nana et des fois, tu sens que c'est pas qu'elle le gonfle, mais tu sens qu'il est un peu submergé par cette fille qui est une espèce de tourbillon comme ça. Ils se complètent l'un l'autre parce qu'il y en a une qui voudrait être une artiste mais qui n'en a peut-être pas le talent ou en tout cas le focus, c'est ça. Et l'autre, c'est l'exact inverse. C'est un gars qui ne se prend pas du tout pour un artiste mais qui visiblement l'est et que c'est un besoin vital pour lui. C'est un film qui est intangible, quoi. C'est un film. C'est une fumée de cigarette, quoi. C'est un truc tout à fait qui s'évapore assez vite, mais c'est un beau moment. Et je trouve aussi que c'est un antidote au cinéma américain moderne. Un film quasi sans enjeu dramatique, ou un cahier déchiré peut être un cataclysme sentimental. Dans la vie de tous les jours, ce sont des choses qui arrivent. un cahier déchiré dont tu sais qu'il va être déchiré trois séquences auparavant. C'est complètement déceptif et ça ne fonctionne pas. Il te construit encore une bobine de film derrière ça. Tout ça pour te faire un éloge de la page blanche et de l'impromptu, comme tu dis. Mais de toute façon, tout est comme ça chez Jarmusch. En effet, c'est un truc qui arrive comme ça. Le cahier, il en fait pas un événement dramatique. Enfin, tu dis ouais, il y a encore une bobine derrière, mais c'est pas ça enfin, c'est un événement parmi tant d'autres qui est traité comme un événement parmi tant d'autres. Et en effet, il est peut-être plus dramatique, mais il en fait pas tout un cas. Tu vois, c'est pas un gros retournement, un gros basculement. C'est peut-être parce que je suis pas du tout réceptif au long passage de poésie. J'ai vraiment ce souci-là. Non, mais je suis jamais rentré dans le film parce que je trouve que son activité de chauffeur, que ça ne rentre jamais en adéquation avec ce que écrit le personnage, avec la ville. Je trouve que c'est plein d'éléments épars qui font jamais sens et corps ensemble. Alors, tu as quelques petites astuces visuelles ou des très beaux plans de surimpression quand le personnage écrit, mais je trouve ça extrêmement laborieux. Pour le coup, tu t'es ennuyé dans ce lit. Là, vraiment, c'est à la limite si je ne me suis pas endormi, quoi. C'est voulu. Il n'y a pas de surprise dans les films de Jarmusch. Tout est à combustion lente. Tout est de toute façon amené de manière super longtemps à l'avance. Il n'y a pas de surprise dans les films de Jarmusch. Voilà. Je comprends l'aspect ennuyeux, parce que c'est un film sur la routine déjà. Donc c'est un film sur le cercle, comme tu l'as dit. Alors là, des cercles dans le film, il n'y a que ça, des cercles tout le temps, des cercles. Et c'est un film sur comment l'impromptu s'immisce dans cette répétition et cette routine. Et c'est, comme tu disais tout à l'heure très justement, Lucien, l'épouse peut-être de ce que va être la poésie. Donc oui, je comprends qu'on s'ennuie. D'ailleurs, je m'y suis un petit peu ennuyé. Mais je trouve que le film est juste beau, touchant, bienveillant. C'est une répétition, une énième répétition du style Jarmusch. Après, ça te convainc ou pas par rapport à la sensibilité de l'histoire. On peut y avoir une sensibilité, mais je trouve qu'il fait du Jarmusch et c'est peut-être un peu le souci. Après, son précédent film était un pur film de Jarmusch aussi. Moi, je le trouvais absolument formidable. Pour le coup, on va vraiment se fâcher. Je sais, mais enfin, voilà, c'est juste pour dire y a des très grands artistes qui font toujours la même chose. C'est pas toujours un problème. Bon, là, on est d'accord que c'est un peu ténu, c'est pas facile à regarder. Bon, allez, on va terminer avant de tous ensemble retourner voir Mademoiselle. On va terminer avec le film événement, le film de Denis Villeneuve, Premier Contact. There are days that define your story beyond your life. Like the day they arrived. Signs of what might be called first contact. The objects measure at least. I'm Colonel G.T. Weber from Army Intelligence. Pack your bags. You're at the top of everyone's list when it comes to translations. Priority one. What do they want? Where are they from? You'll be reporting to me, but you'll be working with him when you're in the shell. That's what they call in the UFO. Arrival, ou Premier Contact en français, c'est le nouveau film du Canadien Denis Villeneuve avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker. Et donc, c'est une histoire d'invasion extraterrestre où, du jour au lendemain, 50 immenses vaisseaux apparaissent à des différents coins du globe. Grands chocs à pic géants. Ouais, voilà, des grands chocs à pic géants de 450 mètres de haut, je crois qu'ils le disent dans le film. Et notre amie Amy Adams est une linguiste brillante. Enfin, elle a rendu un service à la CIA qui vient d'un coup la rechercher pour qu'elle essaye d'établir le contact, voilà, le premier contact, avec ces êtres venus d'ailleurs. Donc, Denis Villeneuve, c'est un peu une nouvelle star, hein. Il a fait Prisoners, Enemy, Sicario, quelques films qui ont quand même bien fait parler d'eux ces dernières années. Manu, qu'as-tu pensé de ce film ? C'est peut-être pour moi le film le moins raté de Denis Villeneuve, mais ça reste un film qui est beaucoup trop roublard dans sa construction scénaristique et qui repose sur une arnaque de scénario dès le début du film et qui pour moi tue tout le film parce que ce qu'on a essayé de construire, le deuil qu'on a essayé de construire autour du personnage dès le début est en fait juste là pour résoudre à la fin les enjeux qui viennent du futur. Le film repose beaucoup sur ces dernières minutes et ce qui tourne autour du langage extraterrestre, puisqu'elle va se retrouver à communiquer avec les extraterrestres, et l'acceptation du personnage et ce qui est la nature et le jeu temporel qui est fait entre le futur et le présent repose sur quelque chose qui est installé de manière un petit peu roublarde au début du film et qui pour moi désamorce toute l'émotion qu'on pourrait avoir à la fin du film, parce que c'est une astuce de petit malin mais qui ne débouche jamais sur une émotion. Ouais, moi je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je trouve que c'est d'autant plus dommage que le film propose des pistes intéressantes. Presque un film qui est trop court, en fait. Peut-être que s'il avait été plus long, il aurait pu creuser des idées qu'il lance. Je pense, entre autres, enfin, déjà, je trouve l'idée même d'un film qu'un film de science-fiction ne parle en fait que de présent est une belle idée. Même si c'est sur les cinq films dont on parle aujourd'hui, il y en a quatre qui distordent le temps. Qui ont une réflexion en tout cas sur la manière de remanier le temps, comme c'est le cas ici. Je trouve que Villeneuve a un certain talent. Le fait de l'apprentissage d'une langue étrangère, quelle qu'elle soit, c'est un peu l'apprentissage d'une culture et donc, d'une certaine manière, l'apprentissage de soi-même. Je pense que le film commence une réflexion là-dessus, mais ne va pas au bout. Enfin, c'est ça, il y a plein de germes, de trucs, d'idées qui peuvent être excellentes et qui ne sont absolument pas exploitées. Donc ouais, c'est un peu comme tu disais, un film de petit malin. Vous n'avez rien compris, c'est un chef-d'œuvre. Non, je plaisante. Donc là, on va vraiment passer pour les papilles du net parce que tout le monde s'enthousiasme un peu sur ce film, mais bon. Voilà, moi je trouve que c'est un film qui est en fait finalement hyper mal écrit. C'est-à-dire que il voudrait faire comme ça une espèce de film très sérieux sur la science, etc. Et on essaye de te faire croire que ça pourrait vraiment arriver comme ça, etc., etc. Et ça se casse complètement la gueule à la fin du film, puisque le film ne tient pas debout 5 minutes. Enfin, au bout de la moitié du film, tout ça ne tient plus du tout debout. Il essaye de faire un film purement émotionnel qui serait bâti sur le caractère d'Amy Adams. C'est totalement artificiel. C'est artificiel, mais en même temps, je pense que c'est le film qui aurait peut-être le plus marqué, parce que pour le coup, je vais la sauver, elle est investie, on a envie d'être avec elle, et je pense que c'est le film qui rate, en fait. C'est le film émotionnel autour d'Amy Adams. Oui, mais tout à fait, elle est très bien dans le film, mais le problème dans son personnage, c'est que la construction du personnage repose sur une arnaque dès le départ. Il y a un côté petit malin dans la construction du film, et qui fait que même l'empathie que j'ai eue pour le personnage, en fait, il me la flingue à la fin. Même si je comprends hein, ton sentiment d'avoir été arnaqué ou ton sentiment d'avoir été floué, je ne pense pas que cette révélation finale va flinguer ce que j'ai vu au début sur le personnage. Enfin, ça ne va pas flinguer l'empathie que moi j'éprouve pour le personnage. Oui, mais son rôle, pour moi, est complètement flingué au moment de la fin, au moment du twist, puisqu'on te révèle que ce qui a été ton facteur d'empathie pour le personnage n'était pas, en fait, pas là au départ. Donc, tout son mal-être du départ n'a pas lieu d'être avant la rencontre avec les extraterrestres. Ok, et donc il y a un troisième film aussi qui est là le plus catastrophique des trois, c'est le film géopolitique. Alors à chaque fois qu'il y a des trucs sur la Chine, la Russie, c'est vraiment une catastrophe, les passages sur CNN, etc., ça c'est pas possible. On te fait monter la sauce sur deux Marines qui regardent le CNN et après qui vont aller faire une espèce d'attentat. On n'y croit pas deux secondes, c'est pas du tout suivi. L'espèce d'attentat qu'ils font dans l'enceinte du vaisseau extraterrestre ne change rien au film, ça n'a pas d'impact et après on ne revoit pas du tout ces personnages. Pourquoi faire un truc pareil? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se concentrer sur ces deux bons comédiens? Il y a Jeremy Renner qui est là. Alors nourrissez ce putain de personnage. Je sais pas, faites quelque chose avec ce que vous avez. Quoi. Mais justement, tu parles de Jeremy Renner. Pour moi, il ressort peut-être presque plus qu'Amy Adams dans le film, qui est là pour amener un petit peu de fantaisie, un petit peu de décalage dans le truc, alors que tout le monde a l'air de jouer le côté très concerné. On va faire l'inverse du grand film catastrophe, film de SF hollywoodien. Et au final, il ne fait que la même chose, puisqu'on retrouve des gens derrière des ordinateurs en train de tapoter, en ayant l'air très concerné. Tous les personnages sont un peu transparents. On s'en contrefout de Forest Whitaker. Mais comment il le flingue au début du film? Au début du film, t'as Forest Whitaker qui vient, qui est censé être une espèce de colonel, genre un pont du Pentagone et tout, qui arrive et qui veut embaucher Amy Adams. Et l'embauche d'Amy Adams se fait sur un malentendu. Elle dit... tu vas voir mon collègue là, demande-lui qu'est-ce que ça veut dire tel truc en sanskrit, et te fait un super pain avec ça au scénario. Le mec, il revient la chercher, il fait la chute de la blague que je n'ai pas compris. J'en ai parlé à mon pote à la sortie, il n'avait pas compris non plus. J'en ai parlé à d'autres copains, ils n'avaient tous pas compris l'espèce de chute de cette blague. Mais comment est-ce que un mec du Pentagone va aller embaucher une linguiste sur une blague, quoi? C'est quoi ce truc? Donc on te flingue le personnage dès le début. Enfin, c'est pas possible, il n'existe pas. Il y a des trucs comme ça où ils essayent de se donner une espèce d'atour sérieux. Et en fait, ça ne tient pas debout 5 minutes, n'en parlons pas de la fin. Il y a une espèce de scène avec un général chinois qui intervient dans une espèce de fantasme qui juste ne tient pas debout. Tout le film se casse la gueule complètement. Ce n'est pas juste ne tient pas debout, c'est vraiment l'astuce de scénariste pour dire comment on va résoudre les enjeux. On va envoyer quelqu'un du futur pour dire au personnage au présent qu'est-ce qu'il faut faire. Et elle va le faire dans la séquence suivante. Moi, j'ai du mal à comprendre la hype qui entoure ce cinéaste. Après... On ne peut pas retirer à Denis Villeneuve, c'est qu'il a une esthétique assez travaillée, assez propre et qui est bien maintenue, je pense, tout le long du film. Enfin, beaucoup de très longues focales avec des très peu de profondeur des champs. Mais ça ne raconte pas grand-chose. C'est que c'est de la belle image, c'est un côté très publicitaire au final. Est-ce que ça suffit à faire un bon film? Ah, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai ce souci-là, c'est qu'il sait très bien piocher ses références, mais qu'il ne construit rien de vraiment efficient, à part des pure petite séquence d'ambiance concrète, la découverte du vaisseau, je trouve que c'est un truc qui fonctionne par des petits éléments, la petite lampe qu'on va lancer pour te faire comprendre le système de gravité au sein du vaisseau, la manière dont ça tient par des petites logiques de série B, pour le coup, c'est de montrer ça, fonctionne assez bien. Après, la lourdeur des citations sur Kubrick est quand même un truc qui joue en défaveur du film énormément, parce que pour le coup, le vertige que tu as dans 2001, tu l'auras jamais dans The Arrival, parce que tout se résout de manière beaucoup trop simple, ou même pas complètement simple, de manière téléphonée, parce qu'à des moments, tu ne comprends même pas comment on déchiffre ce langage. C'est un moment, le personnage de Jeremy Renner, pendant que Amy Adams est en train de dormir, « Ah, au fait, pendant que tu dormais, j'ai trouvé la solution. On va te montrer des graphiques, tu ne comprendras rien. » Pour le coup, Spielberg avait l'intelligence de baser le dialogue entre les extraterrestres et les humains sur de la musique, et cette notion-là était beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible pour comprendre comment les personnages arrivaient à communiquer là en voulant de reproduire une écriture qui n'existe pas et la décrypter, ils tombent complètement à plat. Bon, très bien. Donc vous aurez compris que le passeur transmission, de manière unanime, n'aime pas le nouveau film de Denis Villeneuve. Et Blade Runner n'aime pas Denis Villeneuve. Donc oui, je rappelle pour nos auditeurs qui ne sont pas des geeks comme nous que Denis Villeneuve est maintenant affilié à la suite de Blade Runner. Avec Harrison Ford au générique, ce qui est déjà un immense contresens et qui sent le fanservice absolu. Ok, on va passer tout de suite au conseil. On passe donc au conseil. Lucien, qu'as-tu dans ta besace pour finir ? Moi, je suis allé chercher loin pour trouver un conseil en lien avec le cinéma. J'ai été chercher du côté de Spike Lee et d'un musicien qui a fait de la musique pour lui, qui s'appelle Christian Scott. C'est un Américain, un trompettiste, jazzman à la base, mais qui mêle des influences très très différentes. C'est absolument formidable. Il a un album sorti dernièrement, cette année, qui s'appelle Stretch Music. Eh ben moi, je vais vous parler d'un film qui sort début janvier, le 4 janvier au cinéma, qui est Monster Call, quelques minutes après minuit, de Juan Antonio Bayona. C'est un film qui pourrait s'inscrire dans toute une vague du cinéma actuel, d'hommage aux années 80, au cinéma, au studio Amblin de Spielberg, mais qui justement, là où contrairement, on en a parlé dans les autres émissions, on était dans une posture très nostalgique, qui là n'est pas du tout ça, c'est juste un décorum et qui va aller très loin dans les émotions de ce personnage. C'est un enfant qui est confronté au cancer de sa mère et qui va trouver une solution par une évasion dans un monde féerique. Mais c'est un film qui fait beaucoup penser à L'Esprit de la Ruche de Victor Erice. Mais voilà, c'est un film sur l'enfance, le deuil, avec une puissance émotionnelle assez rare. C'est la plus belles choses que j'ai vues cette année, même si ça, au final ça va sortir l'année prochaine, mais c'est vraiment préparer les mouchoirs. C'est, si vous prenez le pari de vous investir complètement émotionnellement dans le film, c'est un film qui va vous amener très loin. Et je vais pas trop en parler, je vais pas m'attarder trop sur le film de Bayona, parce que je pense qu'on en reparlera en début d'année avec mes chers collègues pour un nouvel épisode de Transmission. Super, ben moi je vais vous conseiller un petit film à mettre sous le sapin pour les fêtes, un DVD qui s'appelle Tout en haut du monde. C'est un film de Rémi Chaillet, c'est un film d'animation français qui fait partie en fait de cette magnifique année pour le cinéma d'animation qu'on vient d'avoir. Enfin, pêle-mêle, il y a eu Ma vie de courgette, mais il y a eu aussi La Tortue Rouge, il y a eu Le Garçon et la Bête en début d'année. Enfin, il y a eu énormément de très beaux films d'animation cette année. Et donc, celui-là est un peu passé inaperçu. Et pourtant, c'est une très très belle histoire. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille de l'aristocratie russe au 19e siècle qui se met en tête d'aller à la recherche de son grand-père qui s'est perdu dans une expédition polaire. Et au niveau esthétique, il y a un travail sur les aplats de couleurs qui est absolument merveilleux dans le film. C'est vraiment très très beau esthétiquement, et c'est une super belle aventure, un film qui prend le temps mais qui emmènera quand même vos gamins. Donc je vous conseille vraiment de découvrir ce film là sous la couette le 25 décembre à 17h quand les gamins sont trop fatigués pour jouer avec leurs jouets. On vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et on essaiera de revenir tout début 2017. À très bientôt.